quand elle a fait l'usine, beau-papa. La maman toujours à prendre tu bélède à Bolivie. Un jour arrivé, vous découvrez la musique encore avant l'esprit. Y'en fait tout ça pour y'en démarrer, je l'ai là. Ou qu'à chanter, c'est ça qu'on y jaillé. Laissez-y triper. Ah, yo, qui que pêche de la terre. Laissez ça qu'on y jaillé. Laissez-y triper. Chanter, c'est ça.